si tu ne sais toucher ou pas que mon cœur est à toi. On a de l'or entre les mains, si spécial qu'on ne devrait pas se faire de mal. C'est dommage, non je ne peux pas, je ne peux pas. Avancer jusqu'au bout. Il y aura toujours quelqu'un pour nous tirer dans les genoux. Mais je sais qu'à nous deux, on est plus fort que tout. C'est doux. J'avoue. Tu peux avoir des doutes. Parle-moi, je t'écoute. À mon avis, tu ne sais toujours pas que mon cœur est à toi. On a de l'or entre les mains, si spécial qu'on ne devrait pas se faire de mal. C'est dommage, non je ne peux pas, je ne peux pas. Sur tout ça, aimons-nous jusqu'à la fin.